Des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 août 2007. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, et comme à chaque semaine, trois grosses heures de bonne musique comme ça, c'est fou. On a 15 positions francophones et 15 positions anglophones comme toujours. Les nouvelles entrées cette semaine, c'est Pépé avec Niaiserie du côté franco et du côté anglo, on a Percy Farm avec The Hour Hand. La semaine dernière, le numéro 1 francophone, c'était La Loi des Cactus avec Babylon Resistance South System et du côté anglophone, c'était The Answer avec Under the Sky. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission, mais pour l'instant, commençons par nos nouvelles entrées. Hein? Commençons par les premières choses d'abord. Voici Pépé et Niaiserie, le numéro 15, francophone, au Palmarès C'est Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Aujourd'hui, ça me tente de dire des niaiseries. Tout seul avec mon youkou sur la galerie. Je me sens un peu con sur le coup, mais je souris. Parce que je me suis trouvé une mélodie. Qu'est-ce que je pourrais ben dire comme niaiserie, je sais pas. Des fois je dis tout haut ce que le monde pense tout bas. Ça arrive tout seul d'habitude, mais là, ce que je le dis, mais dans le fond peut-être ça se dit pas. Voyons, Pep, tu fais pas de la pop. T'as pas besoin d'un microscope. Allume pis fume ton télescope. Assume l'écume, c'est pas trop propre. Pas de stress, desserre-toi les fesses. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Pas encore un autre Percy Farm avec la nouvelle entrée en 15e anglophone, The Hour Hand de leur album The Ends in the Beginning. Juste avant, c'était Pépé avec Niaiserie de son album 100% Bœuf. Aussi une nouvelle entrée et la dernière. En fait, c'est les deux seules nouvelles entrées qu'on a cette semaine. C'est très, très stable, les choses vont très bien, la musique est très bonne, les animateurs capotent, vous capotez, tout le monde capote ensemble. Bien. On est rendu à nos 14e positions, on va aller les entendre à l'instant même du côté anglophone. C'est Metric avec Grow Up and Blow Away qui descend de la 6e, mais tout de suite, voici Olinéa et l'âme de fond, Palmarès c'est fou, 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Ah, oh non, on va exploser! Oh, ah! Sombre et c'est plein de toi pour te couler. Et vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. Tu laisses la place se dessiner. Tu viens des cartes sans brancher. Tu te dresses et t'inclines au gré de sa pensée. Tu es la pâle. Tu places et souris de t'avoir les embarrés. Face à face, les yeux fermés. and blow away. Metric en 14e position anglophone, descendre de la 6e place, ça fait mal pour Metric. Et juste avant, c'était Oulidea avec Lame de fond en 14e francophone qui, elle, descend de la 5e, donc ça fait encore plus mal pour Oulidea. Leur album s'appelle L'Ordre des choses. On est rendu à nos 13e position, mais avant de passer par là, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans nos palmarès, parce que pour les gens qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, c'est autre chose que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Commençons par le top 10 loud. Aucune nouvelle entrée cette semaine, mais le top 3 ressemble à ceci. Mel God Essentials Volume 1 de Alford, stable en 3e. Stable en 2e pour la 12e semaine de présence, United Abominations de Megadeth. Et en première, c'est aussi stable pour Symphony X avec Paradise Lost. Top 3 des disques canadiens maintenant. Nouvelle entrée en troisième pour Timber Vision de National Parks, qu'on va d'ailleurs entendre un petit peu plus tard dans nos palmarès standard, comme on dit. Deuxième position, remontée d'une place pour la troisième de la semaine dernière, Joe Plaskett Emergency avec Ashtray Rock. Et en première, c'est stable, c'est Pride Tiger avec The Lucky Ones, troisième semaine de présence. Donc le top 3 canadien est un petit peu neuf. Il est tout nouveau. Tout nouveau. On fera le top 30 des albums tantôt, mais avant, on retourne dans nos palmarès bien normal comme ça. Du côté anglophone, c'est Interpol en 13e avec The Irish Maneuver. Mais tout de suite, voici la 13e francophone, c'est Matt Fuzz et son Game Boy. Voici Montréal en canicule au palmarès, c'est fou. 89.5, votre radio campus à Boisville. Interpol avec The Irish Maneuver, la 13e position anglophone cette semaine, remontée de deux places. Et juste avant le pire mix de tous les temps, c'était Matt Foss et son Game Boy avec Montréal en canicule, qui elle remonte d'une place. Elle vient de son EP. C'est pas pour tout le monde cette musique-là, mais c'est excellent. Moi, j'adore vraiment beaucoup ça. Tantôt, on est en train de faire notre ailleurs dans les palmarès, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas. Le top 15 francophone et le top 15 anglophone étaient rendus au top 30 des albums, donc regardons ça un petit peu. La cinquième position est occupée par Metric, qu'on a entendu il y a quelques minutes à peine avec Grow Up and Blow Away. En quatrième, en fait, tout est stable, juste pour vous dire comme ça. La quatrième position, c'est Pride Tiger avec The Lucky Ones. La troisième, c'est Shit Disco avec Kingdom of Fear. La deuxième, c'est Klaxons avec Myths of the Near Future. Ça fait 16 semaines que c'est là. Et la première, ça fait 17 semaines. C'est The Answer avec Rise. 17 semaines, c'est combien de mois, ça? C'est plusieurs. Hein? Genre 4. Donc, voilà qui fait le tour de notre ailleurs dans les palmarès, alors qu'on revient à nos palmarès standards. Plus tard, on va parler, entre autres, des CD les plus vendus au Canada. On va aussi parler des pièces les plus téléchargées sur Internet, tout ça. Et comme toujours, j'aime le dire, du plaisir, surtout quand je suis seul. Notre 12e position, voici tout de suite les concassés et la mort du rock au palmarès. C'est fou, à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. Et non, c'est pas le début d'un dessin animé. Ça tombe creusé, manque plus rien que le corps.

ones and the wiser in the wrongs. Give some a first hand gun, man. What a story told by a friend of dead helps in United Steel Workers of Montreal avec Small Town Bangs en 11e anglophone. Juste avant, c'était la 11e francophone. Corrigan Fest, la victoire en chantant. Avant ça, c'était Bad Religion avec Heroes and Marchers en 12e anglophone. Et avant, la 12e francophone, c'était les Concassés avec la mort du rock. Restez là, les positions numéro 10. Retour au palmarès. C'est fou! Oh, vous êtes au palmarès, c'est fou, 89 FM. Petit résumé de ce qui s'est passé avant la pause, parce que peut-être que j'étais un petit peu trop vite pour vous. Résumons un petit peu. Donc, 11e position francophone, on a entendu, c'est stable. Corrigan Fest avec la victoire en chantant, c'est bien. La 12e est remontée d'une place pour la mort du rock des Concassés. Du côté anglophone, United Steel Workers of Montreal, c'est ce qu'on a entendu avec Small Town Banks qui remonte d'une place. Et Bad Religion avec Heroes and Marchers remonte aussi d'une place. On était rendu à nos 10e position et c'est là qu'on recommence nos palmarès. Donc, du côté francophone, on s'en entend tout de suite. Udon Placard avec les lanternes chinoises, comme ça, à la remontée de deux places. Ce qui sera suivi immédiatement après de Bradley avec Girl on TV qui remonte d'une place aussi. C'est comme ça, c'est au Palmarès, c'est fou, 89. Dans le noir ensemble, dans le noir. rien dire. Bradley avec la 10e position anglophone, remontée d'une place, c'était la 11e, donc la semaine d'avant. Et auparavant, c'était Udon Packard avec Lanterne chinoise qui remonte de deux places aussi. 3e semaine de présence. Les choses vont très très vite. Les choses avancent. Ça va très bien, je dirais. Je qualifierais ça de A+. Hein? Tout de suite, pour continuer en beauté, voici Air avec Mer du Japon. Hein? Hein? Hein? Send me free. Megadeth avec À tout le monde en 9e position anglophone. Juste avant, c'était la 9e position francophone, Air et Mer du Japon. Tantôt, ce sera le tour de nos 8e positions, mais avant, c'est l'heure du coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur. Et cette semaine, notre coureur de la semaine, c'est The First Aid Kit avec leur Rocket Summer EP. On commence tout de suite par la pièce Rocket Summer dans le bloc coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur dans les palmarès C'est fou 89.fr. Ça va ici. Vive la radio. C'est ce que j'aime. Covered by nails and wood and bruises and those. The First Aid Kit dans le bloc coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur au palmarès. C'est fou, n'est-ce pas génial? J'étais en train d'aller chercher un petit peu d'informations comme ça. Là, je vois que c'est un groupe de rock de Halifax en Nouvelle-Écosse. C'est, les membres sont Matty D. Connor, Nancy, Robin Daryl Smith, Craig Crozier et Amy Bolivar. Si vous voulez plus d'informations sur le band, allez voir le myspace.com/thefirstaidkit. Voilà donc pour le bloc coureur de la semaine présenté par la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ça, c'est le vendredi matin de 10h à 13h et les samedis et mardis après-midi de 14h à 17h. Pour plus d'informations sur le coureur de la semaine, non seulement allez voir leur site, mais allez voir notre site à la chance au coureur. C'est le www.unechance.com, leunechance.com. Faisons un petit résumé de la première heure qu'on vient de vivre ensemble dans les palmarès. S'il faut, on commence par le côté anglophone. Tiens, pourquoi pas. 15e position, nouvelle entrée, Percy Farm avec The Hour Hand. En 14e, descente de la 6e position pour Grow Up and Blow Away de la formation Metric. En 13e, remontée de 2 pour The Irish Maneuver de Interpol. En 12e, plus 1 pour Heroes and Martyrs de Bad Religion. En 11e, remontée de 1 pour Small Town Banks de United Steelworkers of Montreal. En 10e, remontée d'1 pour Bradley avec Girl on TV. Et la seule descente, dirais-je, moins 6 pour jusqu'à maintenant, en tout cas, Megadeth avec À tout le monde. Du côté francophone, 15e position, nouvelle entrée pour Pépé avec Niaiserie. En 14e, descente de la 5e pour L'âme de fond de Oinea. La 13e, remontée de 1 pour Montréal en canicule de Matt Fuzz et son Game Boy. En 12e, plus 1 pour Les Concassés avec La mort du rock. En 11e, c'est stable pour Corrigan Fest et La victoire en chantant. 10e, plus 2 pour Udon Placard avec Lanterne chinoise. Et finalement, en 9e, c'est Air avec Mars du Japon qui descend de 2 positions. Dans la 2e heure, restez là, vous allez entendre entre autres Les Amis au Pakistan, La Baroque Machine et Prostipute. Joe Plaskett Emergency, Klaxon National Parks et Symphony X, tout ça plus tard dans la 2e heure des palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 au 16 août 2007. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On est avec vous jusqu'à 20h le vendredi soir où on est en direct comme ça de 17h à 20h toutes les semaines. Et on est en rediffusion le jeudi de 14h à 17h. Donc, si vous nous écoutez là, ben bonjour. Que vous soyez dans votre maison, votre demeure, qu'on pourrait dire, votre voiture ou autre véhicule ou vaisseau ou moyen de transport. Peut-être dans l'autobus, peut-être avec un lecteur MP3, peut-être un Opie Walkman. Peut-être que vous avez un vieux lecteur cassette, là. Vous enregistrez les palmarès, c'est fou, vous les réécoutez, non? Mais bravo et bienvenue à vous. Deuxième heure, donc on va entendre un paquet de positions, entre autres les huitièmes qui s'en viennent à l'instant. On écoute du côté anglophone Artists of the Year avec Yeah, mais tout de suite, voici les Prostiputes et New Wave Kids au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Ils seraient pas contents. tout seul qui a l'impression qu'il dit « toi, une pièce ». Toi, une pièce, non? Je vais imaginer par cette réponse que je suis seul. Artist of the Year avec Yeah! La 8e position anglophone remontée de 2 places. Juste avant, c'était la 8e francophone. Et évidemment, les Prostitutes avec New Wave Kids qui remontent elle aussi de 2 places. 3e semaine de présence pour les deux pièces. En deux côtés, leur album aux Prostitutes s'appelle Sex en stéréo. On est rendu à nos 7e position, mais je me dis comme ça au hasard, sans trop l'avoir prévu d'avance. Regardons un petit peu ce qui s'est vendu le plus cette semaine au Canada. Et en même temps, les pièces qui sont les plus téléchargées sur Apple iTunes la semaine qui vient de se terminer, comme ça. Donc, commençons par le côté canadien avec Nielsen SoundScan qui nous envoie les albums qui sont le plus vendus pour la semaine qui se termine le 9 août 2007. Quelques nouvelles entrées. Commençons par la 16e, Sean Kingston avec son album éponyme. En 10e, c'est Common avec Finding Forever. Ensuite, la prochaine, c'est la 4e, Korn avec l'album Untitled. Top 3 maintenant, stable. C'est stable partout. Bon Jovi avec Lost Highway en 3e. Rihanna avec Good Girl Gone Bad en 2e. Et en première, c'est une autre nouvelle entrée, Matthew Good avec Hospital Music. C'est pour la semaine qui se termine le 9 août 2007. Du côté des pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes, on parle en 5e de Shut Up and Drive de Rihanna. En 4e, c'est Me Love de Sean Kingston. En 3e, The Way I Are de Timbaland. En 2e, c'est Stronger de Kanye West. Et en première, c'est Sean Kingston. Une 2e fois, oui, avec Beautiful Girls, un homme populaire, un homme du peuple, un homme de la populace. Voilà. Donc ça, c'est pour les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes. Plus tard, on parlera d'un paquet d'autres choses. Évidemment, on a tellement de sujets. C'est une vraie boîte à surprise qu'on appelle les Pamarais, c'est fou. Pas vraiment. Côté anglophone, la 7e position, c'est National Parks avec Border Patrol. Mais tout de suite, voici notre 7e francophone. C'est mon Sola de Plouon. Des amis au Pakistan qui remontent de la 15e position. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Au Pamarais, c'est fou. Au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Amis au Pakistan avec mon soldat de plomb en 7e position francophone. Dans quelques secondes, on s'en va entendre la 7e anglophone. National Parks et Border Patrol. Au Palmarès, c'est fou à la radio campus de Trois-Rivières, la radio la plus impressionnante au monde. C'est fou 89.1 FM.

dans les palmarès, c'est fou. Et ça, c'est la position numéro 7, remontée de deux places, quatrième semaine de présence. Timber Vision est le nom de leur album. Et j'espère que j'ai pas fait d'erreur en disant ça. Je vais aller me renseigner. J'ai peut-être dit complètement n'importe quoi. Il me semblait que c'était mon souvenir. En tout cas, juste avant, du côté francophone, belle tranche de vie. On a entendu les amis au Pakistan avec Mon Soldat de Plomb qui remonte de la 15e à la 7e. On s'en va entendre très bientôt nos 6e positions. Mais avant, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de Bande à part. Parce que Bande à part, c'est l'underground musical encore plus underground que c'est fou. En tout cas, selon certains. Leur palmarès est compilé par Baromètre. C'est une réalisation de la Sopref et c'est publié à chaque semaine dans le journal ici, mais aussi sur Internet, sur bandapart.fm. Et c'est une bonne vision de ce qui se passe d'ailleurs dans l'underground, autre que c'est fou, évidemment. Donc, en cinquième position, on retrouve Moussette avec l'album Reste en lumière et la pièce En train de saigner. En quatrième, un groupe qu'on aime bien, qu'on joue en ce moment même avec leur pièce Small Town Banks, mais cette fois-ci avec la pièce Big Old Dirty Tattoo de l'album Kerosene and Coal, c'est la formation United Steelworkers of Montreal. En troisième, un autre groupe qu'on adore, Trico Machine, avec leur pièce Buffet en chocolat. En deuxième, OK Volca avec L'eau Silence. Ça fait un petit bout qu'on n'entend plus vraiment parler d'eux assez fou, mais peut-être reviendront-ils là un jour. En première, c'est ADN avec l'album C'est dans mes gènes et la pièce Rien à foutre des contraintes. Contraintes, oui. Rien à foutre avec deux T. Et ils prennent la peine de préciser que c'est comme ça que c'est écrit sur l'album, avec le SIC entre parenthèses, j'aime bien. Donc, on revient au palmarès, c'est fou du côté francophone. C'est la 6e position, la Baroque Machine avec Robo Academy. Et du côté anglophone, c'est The Klaxons avec Two Receivers qui était le numéro 2 de la semaine dernière. Et j'aime tellement la Baroque Machine de ces temps-ci qu'on va peut-être se gâter avec une deuxième pièce. Mais pour l'instant, voici leur succès Robo Academy en 6e francophone. C'est les palmarès, c'est fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. faux. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. La Dark Machine avec Robot Academy. Maintenant, je vous avais promis une petite gâterie, on pourrait dire. Voici la pièce Pas de tes affaires, toujours de leur album Popus. Au palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain, maintenant. Yes, bonus de la Baroque Machine, Pas des affaires de leur album Popus au palmarès. C'est fou maintenant, continuons notre vrai palmarès. Et voici The Klaxons et Two Receivers en descente de 4 positions. C'est les palmarès, c'est fou au 89.1 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Ah. Dis de même, ça a l'air vrai. Trip out on safari. A lullaby holds their drones in sleep.

Eve of Seduction de Symphony X en 5e position anglophone, remontée de 3 places. J'adore, c'est très très bon, Eve of Seduction. Juste avant, c'était The Break avec toi, descente de 3 places en 5e francophone. On est rendu à nos 4e positions, mais avant, regardons un petit peu ce qu'on va faire tantôt. Hein? Parce que à la fin de l'émission, là, la dernière demi-heure, 45 minutes, on verra combien de temps il nous reste, on va faire un palmarès tout à fait spécial. Les palmarès, en rappel, version numéro 1. Hein? On va regarder quelques numéros 1 à travers les années. Je sais pas le nombre de pièces qu'on va avoir le temps de passer, mais je mentionne quelques artistes. Steve Hill était en 97, le numéro 1 du côté anglophone. Et du côté francophone, c'était Dara. On regarde peut-être que 98, Indiscipline et Killjoys. C'est pas resté, ça. C'est long, on peut rester. Mass Hysteria et Tricky Woo. Bon. Arsenic 33 et Patti Smith, Dick, les Marmottes Aplaties et The Devlins. On va voir ce qu'on va avoir le temps de faire tantôt. Ça va être les palmarès en rappel vers la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on retourne à ce qu'on fait de mieux. C'est les palmarès, c'est fou, format standard. Du côté anglophone, on s'en va entendre la 4e position de Joel Plaskett Emergency avec Fashionable People. Mais avant, voici La Loi des Cactus et Babylon Resistance Sound System, l'ancien numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 francophone, dur à croire. Dur à croire. Et c'est quelque chose. Oh, j'aime ça, numéro 1. Oh, j'ai hâte, ça va être tellement bon. Ouais. C'est à peu près ça, dans le fond. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche, ça. Avouez-le, vous ne pouvez plus attendre, là. C'est des palmarès, c'est fou, 89 FM, mais j'arrête de parler. Entends-tu le son de notre musique venir vers toi? Entends-tu le message que transporte notre voix? Si tu te sens seul prisonnier de tes questions, alors laisse tomber le stress et accepte notre invitation. Car autour de nous il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens danser avec le Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You feel the more sunshine in all them life. Do you feel the more loving in their life? Need a gun because we are fight by the sign. In their line, they use them all more loving in their line. Yeah, them all rise. We not need a gun because we are fight by the sign. Eat up every day and treat we like proof. So my way hungry while you pack it them both. Kick back and I relax while out your life tough. Babylon your schemes we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go be you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me begging and sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. Resistance, sound system. We're getting

que Han Solo a des beaux cheveux? Non, je pense que c'est hallucination auditive. Han Solo has got good hair. Non? En tout cas. Donc, numéro 2, 3, du côté anglophone, c'était Bright Tiger avec Let Him Go, qui remonte de 2 places. Et juste avant, c'était Tricot Machine avec l'ours, qui remonte de 5. Oui, je me suis un petit peu perdu dans cette pièce avec les cheveux et la belle tête. Et, en tout cas, c'est tellement le fun. Après la pause, dans la troisième heure, parce que c'est la fin de la deuxième, voilà, on va entendre nos numéros 2 et nos numéros 1. Je vous mentionne pas les artistes, mais par processus d'élimination, vous allez voir que c'est très, très, très bon. Il nous reste environ 20 minutes ici au Palmarès C'est fou. Et ensuite, c'est notre spécial Les Palmarès en rappel, où on vous présente quelques numéros 1 qui ont marqué l'histoire de C'est fou. Tout ça dans la troisième heure au Palmarès C'est fou à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. Restez là. Troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 au 16 août 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Encore 20 minutes à cette édition standard des Palmarès, c'est fou. On va entendre les positions numéro 2 et 1. Après ça, à 19h20, ou dans les environs, c'est les Palmarès en rappel que j'anime pour vous avec des grands numéros 1 de l'histoire de C'est fou. Comme ça, ça, une fois de temps en temps, c'est bien de se rappeler de vieilles choses. Tout de suite, voici notre numéro 2 francophone remonté de 4 places. C'est Plasticine et la règle du jeu. Oh, Palmarès, c'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou.ca en direct. C'est fou.ca pour aller écouter live, bouton jaune en haut à droite. Allez-y. Je t'ai montré comment tu devais jouer et je ferai en sorte que tu ne triches pas. Devant tes yeux, tous les dés sont lancés. Je joue, joue, joue avec toi. Tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Tu avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Nous étions d'accord, le jeu était codé. Je jouais le fou et tu étais mon roi. J'ai perdu ma vie sur le damier. Tu joues, joues, joues contre moi. Tu avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Tu avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Au départ moi je n'attends que toi. Tu grimpes à l'échelle pour attraper loi. Je ne suis peut-être pas celle que tu crois. Je perds, perds, perds contre toi. Je me retrouve. future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Les grands numéros 2 de cette semaine du côté anglophone, c'était The Answer avec Under the Sky, l'ancien numéro 1 donc. Wow, nouveau numéro 1 en franco et en anglo cette semaine. Juste avant, du côté francophone, remontée de 4 places pour Plasticine et la règle du jeu. 4e semaine de présence, ça vient de leur album qui s'appelle LP1. Il nous reste seulement les numéros 1. Tantôt, je vous disais qu'à partir de 19h20, c'est notre grand spécial. Et Pabarès en rappelle, numéro 1, on va vous présenter comme ça des pièces qui ont marqué un peu chaque année ou presque de l'histoire de C'est fou depuis les 10 dernières années. Tout ça pour mener à travers les semaines et les mois vers notre grand spécial de la rentrée de 10e anniversaire de C'est fou qui s'en vient à grands pas comme ça. Je vous jure, ça va être magnifique, grandiose, spectaculaire, super califragilistique. C'est à peu près ça le mot. Je pense que j'étais à 4 ou 5 douzaines près de l'avoir. Enfin bon. Donc, numéro 1, on les nomme pas évidemment. C'est deux très bonnes pièces. Vous allez voir, vous allez vous dire, ben, motadine, sac à papier, donc comment il dit, cadenas, que c'est bon, c'est fou. C'est au palmarès. C'est fou. Du soir au matin, sans trop savoir, je sens suivre un chemin. C'était le début de la fin. Comment peut-on Maintenant, le suspense arrête ici. Voici le numéro 1 anglophone des palmarès de C'est fou pour la semaine du 10 au 16 août 2007 au 89.1 FM. I know. Et voilà, c'était nos numéros 1 des deux côtés. On vient d'entendre le numéro 1 anglophone. En fait, résumons les choses. Avant, on aimera nos vraies pièces à la fin. Regardons ce qu'on a écouté depuis les cinquièmes positions. Donc, du côté francophone, c'était The Brick avec toi, descente de 3 places. Du côté anglophone, la cinquième, c'est Symphony X avec Eve of Seduction de leur album Paradise Lost qui remonte de 3 places. En quatrième francophone, La Loi des Cactus avec Babylon Resistance Sound System, l'ancien numéro 1, 10e semaine de présence pour leur album éponyme. Du côté anglophone, la quatrième, c'est The Gerald Paskett Emergency avec Fashionable People qui remonte de 3 places. Le troisième francophone, c'est Cuckoo Machine avec L'Ours qui remonte de 5 positions. Du côté anglophone, c'est Pride Tiger qui remonte de 2 avec Let Him Go. Deuxième position, du côté francophone, c'est Plasticine avec La Règle du Jeu qui remonte de 4. Et du côté anglophone, c'est The Answer avec Under the Sky, l'ancien numéro 1, ce qui veut dire que cette semaine, on a deux nouveaux numéros 1 de chaque côté. Du côté francophone, on a entendu Jacques Mort avec Feu Follet qui remontait de 3 places pour une 5e semaine de présence sur nos palmarès. Et du côté anglophone, ça remonte de 3, c'est Shit Disco avec I Know Kung Fu. On a entendu beaucoup de très très bonne musique depuis le début de notre émission à 17h le vendredi soir et à 14h le jeudi après-midi. Hein? C'est pour plugger un petit peu la reprise. Hein? Mais malheureusement, ça va devoir finir. C'est assez de bonne musique pour aujourd'hui. Pensons à de la mauvaise. Non, pas du tout. Vraiment, au contraire, parce que dans à peine une trentaine de secondes, hein? Ça va être notre super gigantesque spécial Les Palmarès en rappel numéro 1. On va vous présenter quelques numéros 1 à travers l'histoire de C'est Fou. On va entendre des artistes, peut-être, si on a le temps, tels que Steve Hill, Daran, Indispin, Killjoys, Arsenic 33 et Patti Smith. Tout ça dans Les Palmarès en rappel dans à peine 30 secondes. Des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, c'est Les Palmarès en rappel. Bonsoir et bienvenue au Palmarès en rappel. Pour cette semaine, oh quel plaisir de vous avoir comme ça pour de vieux classiques. Il y a tellement longtemps qu'on s'en rappelle à peine, la plupart des groupes ont disparu dans l'obscurité, certains sont encore populaires. Que dis-je? Certains sont rendus des vedettes internationales juste à cause qu'ils ont passé par les Palmarès, c'est fou. Je crois que c'est pas mal le tremplin vers le futur, comme on appelle. Donc, pour commencer, voici le numéro 1 du côté francophone pour la semaine du 7 au 13 novembre 1997. C'est Daran et Déménagé au Palmarès sans rappel au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. J'ai déménagé pour me rapprocher du supermarché. Oh, que de temps gagné. La proximité de l'aéroport va me réveiller. Que de temps gagné. J'ai pas d'amis, pas d'agenda, plus de soucis, plus de chiens, plus besoin. J'ai déménagé. We'll be right back. vient de déménager en 1997 avec le numéro 1 francophone pour la semaine du 7 au 13 novembre. C'était Daran avec Déménager qui alors était en remontée de 4 places. Voilà. C'est bien, hein? Très, très bien. Maintenant, ça va entendre la position numéro 1 anglophone. Voici Steve Hill et So Long Farewell Goodbye. I don't need anyone to tell me what's right. I don't need anyone to tell me I'm wrong. Yes, I've made up my mind, I will be happy this time. So long, farewell, goodbye. If I was rich, I'd catch a plane and fly. But I'll just run until I'm satisfied. I ain't got no money, but I'll be rich someday. Retour les numéros 1 de la semaine du 2 octobre 1998 au Palmarès en rappel, édition numéro 1 au 89 FM. Deuxième partie de notre spécial, les Palmarès en rappel numéro 1, où on vous présente les numéros 1 qui ont marqué un peu l'histoire de C'est fou pendant les 10 dernières années, comme ça pour mener vers le grand spécial de la rentrée du 10e anniversaire de C'est fou dans quelques semaines à peine. Donc, on était rendu avant la pause. Premièrement, commençons par les vraies choses. Juste avant la pause, on a entendu les numéros 1 de la semaine du 7 novembre 1997. Du côté francophone, c'était Daran avec Déménager. Et du côté anglophone, c'était Steve Hill de Trois-Rivières. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est un gars de la Mauricie. Avec So Long, Farewell, Goodbye, c'était sa sixième semaine de présence dans nos palmarès en 97. Maintenant, on passe à l'année 1998. Du côté anglophone, c'est Killjoys avec Honesty Mistake. Mais juste avant, voici le casseur de pierre de Indiscipline au palmarès en rappel. Mistakes. Honestly, mistakes. palmarès sans Ravel, assez fou. Voici les premières positions de la semaine du 10 au 16 juillet 99. We'll be right back. écoutez les Palmarès. On rappelle l'édition numéro 1 et remettons un petit peu d'ordre dans ce qu'on vient d'entendre depuis les dernières minutes. On vient d'entendre la formation Tricky Woo avec On Thunder's Throne, la première position remontée de 2 places pour la semaine du 10 juillet 99. Juste avant, c'était Mass Hysteria avec L'Homme qui en savait trop rien, qui était remontée d'une place, ça faisait 6 semaines de présence. Juste avant, c'était l'année 1998 avec Killjoys et Honesty Mistake qui remontaient d'une place du côté anglophone. Et du côté franco, c'était Indiscipline avec Le Casseur de Pierre pour une 9e semaine de présence dans les palmarès. Ça, c'était donc les années 98 et 99. Beau moment. Hein, on se rappelle tous de ça avec quelque chose. On s'en va entendre nos années 2000, le tournant du millénaire, ça, où c'est l'année 2000, dans le fond, bug, etc. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a bugué à quelque part, ça avait sûrement pas rapport, mais quand même. Donc, en 2000, ce qui était numéro 1 du côté anglophone, c'était Patti Smith avec Glitter in Their Eyes, mais tout de suite, voici le numéro 1 francophone, Arsenic 33 et les Psquadou. Les Psquadou. C'est le même. P'SSS Quadou. Ça doit être une sorte de ça. Et on continue avec le numéro 1 francophone de la semaine du 1er novembre 2002. Voici les Marmottes aplaties et j'entends tes cris. Hein? Ah, attends, commençons par l'anglophone de Devlin, Static and the Flow. Faire changement, mix it up, genre. Au palmarès, en rappel, édition numéro 1. Ah, c'est fou, 89 FM. Restez là dans à peine 10 minutes. C'est la dernière porte à gauche à 20h les vendredis. Et le jeudi, c'est OK Douvla. Safe here in my arms. There's so much more to this than just being here, and time won't erase the way that you feel. The search for something new. It's gonna show. Scratch the itch, and now it's sore. I know you liked it, and you'll scratch some more. Anglophone de la semaine du 1er au 7 novembre 2002, c'est The Devlins avec Static in the Flow. Juste avant, c'était nos premières positions du 21 avril 2000. Du côté francophone, c'était Arsenic 33 avec les Skadoo. Et du côté anglo, c'était Patti Smith avec Glitter in Their Eyes. Un bon vieux succès d'une bonne personne, comme ça, la poétesse du rock, si je me rappelle bien de son titre tel qu'on me l'a rappelé. Donc, c'est déjà la fin pour notre édition spéciale et palmarès en rappel numéro 1. On vous a présenté des numéros 1 à travers les années. Tout ça pour mener vers notre grand spécial de la rentrée slash 10e anniversaire de C'est Fou qui s'en vient dans quelques semaines slash mois. J'aime ça des barres obliques. C'est un beau caractère. Parle de beau caractère. Hein? Ah, quand même pas si pire. J'accueille notre ami Kiwan de l'émission La Dernière Porte à Gauche qui nous suit juste après les palmarès le vendredi soir. Bonjour. Salut Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Grosse émission. La mienne, je parle, qui était longue. Ouais. Quand même. C'est sûr que ça, ça paraît plus long. Quoi. On a passé au travers. Qu'est-ce qui se passe ce soir à la dernière porte à gauche, Kiwan? Ce soir, à la dernière porte à gauche, je vais parler, entre autres, du gars des Gamics. Les nominations, les artistes en nomination ont été révélés il y a déjà quelques semaines, mais j'avais pas eu l'occasion encore d'en parler. Fait que aujourd'hui, on va parler de ça. Tous les artistes sont en nomination pour le Gamic. Et puis, à part de ça, en musique, il va y avoir du Chocolatine Express, du Jérémy Mourant, il va y avoir Olinéa, puis plein d'autres trucs francophones, comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression que ça va être excellent, comme toujours. Ah, ben je l'espère, en tout cas. Et c'est quand, c'est la dernière porte à gauche? C'est les vendredis à 20h, tout de suite après le palmarès. Ou sinon, c'est en rediffusion les samedis et mardis à 17h. Ben génial, on va être tous là, ensemble. Ben parfait. Et on se quitte avec le numéro 1 de la semaine du 1er au 7 novembre 2002. Voici les marmottes aplaties. J'entends tes cris au palmarès. En rappel, les palmarès vous retrouvent la semaine prochaine, vendredi soir à 17h. En rappel, les jeudis à 14h.